Trop de désirs secrets la combattaient pour ne la pas vaincre. D'ailleurs, l'obstination du dessein formé de ne pas retourner à Genève, la honte, la difficulté même de repasser les monts, l'embarras de me voir loin de mon pays, sans amis, sans ressources, tout cela concourait à me faire regarder, comme un repentir tardif, les remords de ma conscience. J'affectais de me reprocher ce que j'avais fait, pour excuser ce que j'allais faire. En aggravant les torts du passé, j'ai regardé l'avenir comme une suite nécessaire. Je ne me disais pas « Rien n'est fait encore, et tu peux être innocent si tu veux. » Mais je me disais « J'ai mis du crime dont tu t'es rendu coupable et que tu t'es mis dans la nécessité d'achever. » En effet, quelle rare force d'armes ne me fallait-il point à mon âge pour évoquer tout ce que jusque-là j'avais pu promettre ou laisser espérer, pour rompre les chaînes que je m'étais données, pour déclarer avec intrépidité que je voulais rester dans la religion de mes pères, au risque de tout ce qui en pouvait arriver. Cette vigueur n'était pas de mon âge, et il est peu probable qu'elle eût eu un heureux succès. Les choses étaient trop avancées pour qu'on voulût en avoir le démenti, et plus ma résistance eût été grande, plus, de manière ou d'autre, on se fût fait une loi de la surmonter.